de fées en français. La demoiselle avisée. Il était une fois, dans un royaume fort lointain, vivait un vieil homme dans un cottage minuscule. Il était très pauvre et aurait même été misérable s'il n'avait pas eu sa fille unique, Layla. C'était une jeune fille joyeuse et brillante. Et elle était aussi avisée qu'elle était belle. Chaque jour, ils allaient sur la place du marché et faisaient la manche. Mais ils récoltaient à peine assez pour un vrai repas. Certains soirs, ils se couchaient le ventre vide. Un de ces soirs, le vieil homme s'assit et regarda sa fille tristement alors qu'elle fredonnait un petit air. « Ma chère enfant, je suis vraiment désolée que tu aies enduré une telle vie. Je regrette de ne pas pouvoir te donner plus. » « Ne t'inquiète pas, papa. Je suis assez heureuse avec tout ce que tu m'as donné, tu sais. Quant au repas de ce soir, ne t'en fais pas. Je fournirai plus d'efforts demain. » Mais le vieil homme restait triste. Il adorait sa fille et voulait ne lui donner que le meilleur. Il resta éveillé toute la nuit et se demanda quoi faire. Il fixa la lune, qui brillait, et espérait y trouver des réponses. Le lendemain, le vieil homme alla au palais royal. En le voyant, le roi regarda le vieil homme de la tête aux pieds, se demandant ce qu'il pouvait bien lui vouloir. « Votre Majesté, c'est un honneur d'être en votre présence. » « Je suis venu demander si votre majesté pouvait me donner quelques pièces d'or, juste aujourd'hui. Et après cela, je ne demanderai plus jamais rien. » Cet homme est arrivé habillé en haillons très sales et pourtant il parle comme un bourgeois. Comment cela est-il possible? Mon cher monsieur, qui donc vous a appris à parler comme cela? C'est ma fille qui m'a appris à bien parler car... « Eh bien, elle dit que les mots n'ont pas de prix pour nous autres. Elle est très intelligente et sans elle, je ne serais rien. »« Permets-moi de tester à quel point. Amène ces œufs à ta fille et demande-lui de les faire éclore pour donner des poulets. Si elle réussit, tu seras récompensé. En revanche, si les œufs ne sont pas éclos, tu seras puni. » Le vieil homme rentra découragé. Il rentra à son cottage et raconta tout à sa fille. Il raconta absolument tout. « Ma chérie, mais que va-t-on faire? Voici le panier d'œufs que le roi nous a donné. »« Mais enfin, ces œufs ont été cuits. Ils ne peuvent pas éclore, papa. »« Quoi? Mais alors nous allons sûrement être punis. »« Ne t'inquiète pas, papa. Va te reposer. Je vais sûrement trouver une réponse à tout ça. » Le vieil homme rentra se reposer, laissant Layla réfléchir sur les œufs. Le soir, Layla vint parler à son père qui était toujours très inquiet. Papa, écoute ce que j'ai à te dire. Prends tous ces haricots cuits et plante-les dans les champs. Quand le roi passera chez nous, crie très très fort « Oh, pourvu que les haricots cuits poussent bien et que la récolte soit bonne !» Et quand il t'interrogera, dis-lui qu'il est tout autant possible de le faire que de faire naître des poulets à partir d'œufs déjà cuits. Le vieil homme fit comme elle le lui avait conseillé. Et tandis qu'il commençait à labourer ses champs, le roi passa sur son cheval. Quand le vieil homme l'aperçut, il cria très fort. « Oh, pourvu que les haricots cuits poussent bien et que la récolte soit bonne !» Le roi fut vraiment très surpris d'entendre ça. Il arrêta son cheval et appela le vieil homme. « Dis-moi, comment cela est-il possible de récolter à partir d'haricots cuits? C'est impossible, enfin !»« Oh, mais c'est possible, votre majesté! Aussi possible que de faire des poulets à partir d'œufs déjà cuits !» Le roi fut pris de court en entendant cette réponse. Il devina que c'était l'œuvre de la fille du vieil homme. « Très bien! Prends ce fagot de lin et transforme-le en cordes et en voiles et en tout ce dont on a besoin sur un bateau. Si tu n'y arrives pas, tu seras puni. » Le vieil homme rentra encore plus triste cette fois. Il raconta à nouveau à sa fille ce qu'il s'était passé. Ne t'inquiète pas, papa. Tout ira bien. Il est tard. Dormons. Et demain, nous aurons notre réponse. Le lendemain, Layla prit un petit morceau de bois et le donna à son père. Amène ça au roi et dis-lui que s'il arrive à couper son rouet et un métier à tisser avec ça, je ferai pour lui tout ce qu'il demande. Le vieil homme alla alors voir le roi et lui transmit le message de Layla. Effectivement, ta fille est très intelligente, mais je n'abandonne pas encore. Donne-lui ce verre et dis-lui qu'elle devra vider la mer tout entière juste avec ce verre, la rendre aussi sèche qu'un champ. Fais-le, ou bien tu ne vivras pas jusqu'à demain. Et alors, le vieil homme rentra à la maison effrayé, portant avec précaution le verre. Il était en larmes lorsqu'il parla à Layla. Layla, le roi a fini par nous donner une tâche vraiment difficile. Il a dit qu'avec ce seul verre, tu devais vider la mer entièrement. Quel joli verre! Très bien, j'aurai la réponse pour le roi d'ici la fin de journée, d'accord? Ne t'inquiète pas, papa, je veille à ce qu'on ne nous fasse plus aucun mal. Ce jour-là, Layla alla elle-même au palais du roi. Le roi fut ébloui par sa beauté. Êtes-vous venu pour reconnaître votre défaite? Pas du tout, votre majesté. Je suis venu demander si vous seriez assez gentil pour bloquer toutes les rivières et tous les courants qui entrent dans la mer. C'est seulement grâce à ça que je pourrai vider la mer. Le roi était ébahi de voir à quel point cette jeune fille était intelligente. Tu as vu juste dans toutes les tâches que je t'ai assignées. Mais je vais te poser des questions pour voir comment tu vas réussir à répondre. Dis-moi, quelle est la chose la plus éloignée qu'une personne peut entendre? Votre Majesté, la chose la plus lointaine qu'on peut entendre, c'est le son du tonnerre. Et aussi, un mensonge. C'est exact. Maintenant dis-moi, combien vaut ma barbe? Votre barbe, mon bon roi, vaut 3 jours de pluie en plein été. Voilà. Tes réponses m'ont rendu très heureux. Tu sembles être la jeune fille la plus avisée de tout mon pays. Je tiendrai ma promesse et je récompenserai ton père avec autant de pièces d'or qu'il voudra. Oh, merci mon roi, vous êtes vraiment trop bon. Mais j'aimerais aussi faire de toi ma reine. Me feras-tu le plaisir de m'épouser et de rester ici au palais? Layla ne donna pas sa réponse tout de suite et pensa très fort à ce que lui proposait le roi. Votre Majesté, je serai plus qu'heureuse d'accepter votre proposition, mais à une condition très importante. Certainement. Et quelle est cette condition? Vous devez me promettre que si un jour vous êtes en colère contre moi et que vous me dites de partir, je dois pouvoir prendre avec moi la chose que j'aime le plus au palais. C'est tout ce que tu souhaites. Eh bien oui, bien sûr, j'accepte. Le roi et Layla se marièrent le lendemain lors d'une cérémonie fastueuse. Ils s'aimèrent sincèrement et vécurent une vie heureuse. Mais en vieillissant, le roi développa de la colère. Il faisait des histoires à tous ceux qui travaillaient pour lui. Et un jour, il se disputa avec la reine. « Tu penses que tu es trop intelligente? Même pour moi, je suis fatigué de toi. À présent, va-t'en de ce palais et retourne d'où tu viens. » « Comme tu voudras, mon roi. Mais ne veux-tu pas boire avec moi une dernière fois? Après ça, je partirai d'ici et ne reviendrai jamais. » Mais alors, Layla versa une potion pour dormir dans la boisson du roi et il la but avant de tomber dans un sommeil profond. Elle prit avec elle le roi et l'emmena dans son cottage en piteux état. Au réveil, il fut choqué de se retrouver hors de son palais. Il vit Layla assise auprès de lui et devint furieux. Où m'as-tu emmenée, femme insolente? Tu seras punie pour avoir kidnappé le roi. S'il te plaît, ne sois pas en colère après moi. Tu te souviens de la promesse que tu m'as faite? Que si tu devais me demander de partir, j'aurais le droit de prendre avec moi la chose que j'aime le plus dans ce palais. Tu te rappelles? Puisque c'est toi que j'aime le plus, eh bien je t'ai pris avec moi. Le roi fut soudain désolé de ce qu'il avait fait à Layla. Il savait maintenant combien elle l'aimait. Pardonne-moi, ma chérie. En effet, je suis un roi qui a de la chance d'avoir épousé une femme aussi avisée, aussi belle que toi. Le roi retourna au palais avec sa reine. Ils vécurent une vie heureuse et longue et ne se disputèrent plus jamais. Et si cela devait arriver, la reine serait toujours là pour régler le problème.